Page 35. Activité 7. Piste 26. Choux de fleurs et blé de champ. Dans le panier de maman. Poils de chat et queue de paon. La la la et pan pan pan.